que voilà. Flow Production. S-E-N-S-A. Pour la 4-A-C. Yo, 1, voilà. 2003, man. Joel Star. Joel Star. Yo, yo. On dit y'a pas de fumée sans feu sur moi. J'fume le feu, j'le consomme, la vie c'est pas un jeu. Je l'assume à 100%, j'pure, c'est un style joie. Québécois, j'cale à moi, partisan, j'cause étoile. Dans le blanc, j'laisse ma toile, en occurrence, j'le concurrent. Mais si le Québec est sans l'effort, j'le conquérant. Aussi dangereux que chez errant, avec un rage, mais sous l'orage, orage, j'ai coulé l'encre de mon inspiration. J'prends une grande respiration. Plus les mots, j'en ai ma ration. Où s'en va la génération? Mais je m'en tire sans mentir. Qui se ressemble, ça semble. Mais les contraires, ça se donne si mes frères s'assemblent. De pas trop long, ça se tire et pop. Joie 2, double 0-3. Directement la rivière 3. C'est ça, voilà le 4-as. Y'a pas de tour, le passe-passe. Pas de casse, pas la merde. J'ai mes shit sous. J'ai les pieds pleins de merde. Mon rap, ça vient de mon abdomen. Mon abdomen. Le Québec, ça c'est mon domaine. C'est mon domaine. Puis moi, j'ai pas besoin d'abdomen. C'est que je m'installe, yo. Mon rap, ça vient de mon abdomen. Mon abdomen. Le Québec, ça c'est mon domaine. C'est mon domaine. Puis moi, j'ai pas besoin d'abdomen. C'est que je m'installe, yo. Qui sème le fond, récolte la tempête. J'ai dit assez souvent, y'a un truc qui m'embête. À travers le temps, j'ai fait des erreurs belles peut-être. Mais je me reprends de moi, je reste très maître. Et maître de moi, je serai. Y'a pas question, je m'habille serré. J'essaie mon futur d'insérer. Des conseils pour la jeunesse désespérée. Au Québec, le taux de suicide est trop élevé. Les ados se pollucent puis mal élevés. Ma force est dans mon rap et dans mon cœur. Ma tête de frappe, c'est ce qui t'écœure encore. Et encore, les mots sortent en cœur qui viennent tout droit du cœur. C'est de joie, c'est la joie. J'ai du sang royal, moi j'suis le roi. Et boom, bye, bye. Joel Star. Et boom, bye, bye. Québec, faut que tu respectes, bye. Mon rap, ça vient de mon abdomen. Mon abdomen. Le Québec, ça c'est mon domaine. C'est mon domaine. Puis moi, j'ai pas besoin d'abdomen. C'est que j'm'installe, yo. Joel Star. Mon rap, ça vient de mon abdomen. Mon abdomen, le Québec, ça c'est mon domaine. C'est mon domaine. Puis moi, j'ai pas besoin d'abdomen. C'est que je m'installe, yo, joueur. Comme le neige en neige, comme sur le mic, j'suis aisé. Hey, c'est bon, j'me remémore les durs jours d'hier, jours d'hiver. Enterré, parti voir problème. J'vois la fleur de l'île, c'est mon emblème. J'ai du Québec, quoi, j'québécois. Comme ma voix, mon style est hostile, j'ai répété plusieurs fois. C'est-à-dire que j'm'installe comme le métal, le rouge métal. Comme un terrain de sul, j'me faufile. Incrédule, incrédible, sans cédule et audible. Les mots qui font du mal, comme une morsure. Si t'aimes pas jouer à ça, c'est la morsure. C'est sans censure que j'produis mon son. Que l'attention monte, attention. J'vois les étages, tu vois, j't'en peine ascension. Si on veut le rançon pour le rap, je l'aurai des millions, man. Mon rap, ça vient de mon abdomen. Mon abdomen. Le Québec, ça c'est mon domaine. C'est mon domaine. Puis moi, j'ai pas besoin d'abdomen. C'est que je m'installe, yo, Joel Style. Peace.